Regarde la vérité en vrai, ce que t'es devenu. Vois ce que t'aurais pu être en vrai, tu t'es perdu. Arrête de faire le mec rangé, personne n'est dupe. T'es devenu en vrai ce que tu détestais au début. T'es qu'une merde, mon petit Aurélien, en vrai, tu m'as déçu. Comme t'as déçu tes parents quand tu ratais tes études. Mais qu'ils aillent se faire foutre en vrai, mon petit Aurélien. Je suis seul qu'il faut que t'écoutes en vrai, mon petit Aurélien. Regarde où ça te mène à force de vouloir plaire à tout le monde. Ils volent ta part d'oxygène, t'as comme une part dans les poumons. Poum, poum, poum, poum, poum, c'est ton cœur qui s'emballe. Poum, poum, poum, poum, poum, encore une crise d'angoisse. T'oses pas affronter tes petits problèmes, donc tu te caches et tu te couches comme pendant les polémiques parce que t'es lâche. J'ai toujours su que t'étais lâche, mais regarde ce que tu gâches. T'as toutes les choses dont tu rêvais à la moitié de ton âge, mais poum, poum, poum, poum, poum, poum, petite biatch. T'es qu'une fraude, t'es rien, t'es du vent, t'es qu'un mirage. On sait pas si t'es l'intello ou l'idiot du village. On sait pas si t'es Mélenchon ou la pute d'LVMH. On sait pas si t'es woke, si t'es réac, si t'es de gauche, si t'es de droite. Tu joues les écolos et casses les couilles avec ta marque. On sait juste que t'es faux, comme quand tu chantes faux, quand tu fais le rappeur faux, comme ton jeu d'acteur faux. Ça se voit que t'aimes le cash, arrête de faire le mec sympho. Ça se voit que t'as de l'ego, arrête de faire le mec info. Avec ta méchée moda de lesbienne de province, t'aurais dû abandonner le rap au lieu d'abandonner cringe, hein. Dans tes sons, t'es un rebelle qui dit des vérités, hein. En interview, t'es qu'une merde qui fait que d'esquiver, hein. Tu parles pas des vrais sujets, t'oses rien critiquer. Parce que tout ce que tu veux, c'est vendre tes éditions limitées. T'es qu'un produit dérivé, t'es qu'une salope déguisée. Tes textes, c'est des idées toutes faites, mal récitées. T'as pas d'engagement, pas d'honneur, pas de conviction. T'es qu'une pute frigide, qu'au jamais prendre position. Civilisation, bâtard, c'est une catastrophe. Tu fais de la musique de donneur de leçons comme ton papa prof. Tu fais de la musique pour les enfants, pour les ménagères. Tu fais de la musique pour mettre des victoires sur tes étagères. T'as ignoré tes proches pendant des années pour faire carrière. Et tu fais de la musique comme si tu voulais baiser ta mère. Dire que t'as fait tous ces sacrifices pour faire de la merde. J'ai envie de gifler un môme innocent quand j'entends la quête. Fini, t'es à terre, tu te fais plier sur chaque feat. T'aimes pas la musique actuelle, tu confonds tous les artistes. Tu refuses plein de feats parce qu'au fond de toi t'es raciste. T'as ramené plus de blancs dans le rap qu'un suprémaciste. Ton public c'est des flics, des profs, des comptables. Y'a tellement de blancs dans ton public, on se croirait à la montagne. Y'a tellement de victimes dans ton public, ça sent le Prozac. Y'a tellement de blancs dans ton public, ça sent le fromage. Ton public est dégueulasse, y'a pas de meuf potable. Y'a que des gens paumés qui s'habillent comme des clochards. Qui prennent les pires photos de toi avec leur gros wad. Vu qu'ils ont pas de quoi se payer un bon portable. Aurel fan, haha, laisse-moi rire bâtard. Regarde l'état de ta fanbase, c'est une cata. Des merdes qui connaissent rien en musique, aiment pas le rap. Quand c'est pas chanté par un petit bouffon en carart. Sinon ça leur rappelle qu'ils ont peur de se faire agresser. Je me torche avec leur fan art, leurs mots désespérés. Ils font que te critiquer, on dirait qu'ils veulent pas t'aimer. Qu'ils attendent juste un faux pas pour brûler tes CD. Et fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle Canet. Elle est remplie de ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé. En parlant de claquer, faut qu'on parle de ta pétasse. À quoi ça sert d'avoir percé pour ta péasse? J'ai dit pétasse, mais c'est pire, c'est ta femme. À quoi ça sert d'être riche pour consommer du bas de gamme? Avec le succès, c'est comme si t'étais BG. Mais toi, tu te mets une vie de merde avec une jappe pétée. À quoi ça sert de percer pour jamais baiser? La dernière fois que t'as ken, bâtard, t'as fait un bébé. D'ailleurs, ça, c'est l'ultime technique pour te piéger. Avant, être contrôlé, maintenant, elle va te saigner. Tout ça pour donner naissance à une merde privilégiée. Avec un père absent, incapable de l'élever. Si c'est moi le bébé, ça dégage. Nanako, ça dégage. Les Normands, ça dégage. La France, ça dégage. La fanbase, ça dégage. Ta carrière, ça dégage. Avenir, ça dégage. Ablaise crête, ça dégage. La vie saine, ça dégage. La conscience, ça dégage. Ta famille, ça dégage. Aurel San, ça dégage. Grosso modo, tout dégage à part moi. En vrai, fuck San, maintenant, place à Sama.